Parlez-moi de la préparation. Ça a été, vous l'avez parlé, vous avez effleuré un peu le dossier avec Jocelyn. Pauvre Jocelyn, je ne sais pas s'il était capable d'y aller. Il était dans la mortalité. Il est quand même venu. Venu, il était là, il est venu nous trouver en après-midi vendredi. Il était pas là pour le départ, mais il était là. Puis dans la semaine, il est venu beaucoup. Il était en congé, mais ouais. Il est venu quand même pour rencontrer les jeunes. Mais c'est beaucoup de préparation. Ouais. C'est de penser à tout, hein. Au niveau de la nourriture, on a eu Mme Valérie Villeneuve, là, technicienne en éducation spécialisée ici, qui s'est occupée pour s'assurer que tous les enfants allaient manquer de rien. On a eu de la nourriture en abondance. Il y a des jeunes qui disaient, mon Dieu, j'ai mangé pour au-dessus de 200 $ dans mon 24 heures. Ils mangeaient tout le temps, ils mangeaient aux heures. C'est ce qui est important, de bien s'hydrater, bien se nourrir. Donc, les jeunes ont manqué de rien, puis ça prenait de la nourriture de qualité également. C'était des aliments soutenants. Okay. Donc, chacun du comité avait une partie de responsabilité, puis on gérait nos dossiers. On a fait ça, on a eu plusieurs rencontres. Okay. Mais ça a été un franc succès. Et puis, on a joint à ça une activité d'école. Nous, on voulait que nos 330 jeunes aient une belle journée. On a commencé la journée par une conférence avec M. Frédéric Dion, un aventurier. M. Frédéric Dion a accepté d'être notre parrain d'honneur. Il a fait son entraînement d'Ironman avec les jeunes dans l'après-midi. Il a couru 20 km avec les jeunes. Okay. Les jeunes étaient invités également à courir. Toutes les jeunes de l'école qui voulaient faire des kilomètres ont couru dans l'après-midi. On avait des structures gonflables partout dans le gymnase, à la palestre. Donc, c'était une grosse kermesse, une grosse activité rassembleur et de façon à avoir du plaisir pour toute l'école. OK. Dites-moi, vous avez dit il y a des jeunes qui étaient sédentaires. Donc, j'imagine qu'on a commencé l'entraînement quand même très tôt. Là. On a commencé ça au mois de quoi? Mars, à peu près? À la fin février, Monsieur Jocelyn a rencontré tous les jeunes. Il leur a remis un entraînement. Okay. Il leur a dit, ce serait bien qu'on commence à faire ça. Vous suivez ça. C'était tout... par gradation, là, le début, c'était des moi je suis pas au courant exactement de tout le programme, là, mais c'était deux minutes de course, deux minutes de marche, deux minutes de course, deux minutes de marche. Donc les jeunes avaient à faire de l'entraînement comme ça, puis à l'école, tous les jeudis et tous les mardis, il y avait un entraînement sur l'heure du dîner avec les parrains, là, trois enseignants qui faisaient de l'entraînement avec les jeunes. OK. Dites-moi, vous avez ramassé quand même un beau montant également qui va servir, je pense, à financer les activités pour l'école. Exactement. Ouais. Donc, nous, on a les jeunes se faisaient commanditer 5 $ du kilomètre, parce que le défi, c'était de faire au moins 20 km en 24 heures, puis plusieurs élèves ont réussi à faire le 24 km en 24 heures, donc ils ont même pas sauté de relais. Et donc, ils devaient ramasser 100 $ au total. Les jeunes, donc, ont ramassé au total 5 500 $. Ouais. Ces fonds-là vont aller à notre vie étudiante. On sait, dans une école, souvent... on se souvient beaucoup de ce qui se passait à l'école, hein. Les cours, on s'en souvient. On se souvient un peu des professeurs, mais avec le temps, c'est souvent les activités, l'animation qu'il y avait à l'école, hein. C'est ce qui fait la vie. Ouais. Donc, on va pouvoir faire en sorte d'avoir peut-être plus d'activités, promouvoir un peu ce qui est déjà existant, puis d'en créer de nouvelles. OK. Dites-moi en terminant, donc j'imagine que ça va être repris l'an prochain, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez eu des difficultés un petit peu? Je lisais dans le quotidien ce matin que c'était un peu normal, là. Entre 2 heures puis 7 heures, c'était pas mal plus dur. Oui. Le moral des troupes, on avait des jeunes qui nous disaient « j'ai plus le moral, je suis fatiguée, c'est encore trop long ». Donc, c'est là que nos entraîneurs, nos enseignants là, qui les parrainaient, ont travaillé fort avec eux autres, puis les motivés, puis étaient capables, bien faire encore un. Puis c'est sûr que quand le soleil est sorti là aux alentours de 5h30, on a commencé à voir que ça s'améliorait. Et dès 7 heures, là, on avait déjà des parents qui étaient sur place. Puis on a apprécié ça, là, que les parents viennent, les enfants, là, ça leur faisait du bien d'avoir le support de leur famille. Puis à la fin, tout le monde était très fier. Là. Ça a été vraiment une belle réalisation là, de soi. Puis les jeunes, ils étaient... ils imaginaient pas, je crois, le degré de difficulté du grand défi. Mais, non, c'est clair. Mais une fois que c'est fait, ils sont contents. Il y en a que tout de suite après, ils nous ont dit non, moi je le ferai plus jamais. Puis ce matin, là, déjà, ils étaient assez oubliés, puis ils sont prêts à repartir. Ben oui, c'est sûr qu'un coup que les petits mots sont passés, je pense qu'ils sont prêts à repartir. Mais aujourd'hui, même encore aujourd'hui, là, on pouvait voir un peu là, ceux qui avaient fait le grand défi, là, puis ceux qui ne l'avaient pas fait. Là. Ouais. Ils se déplaçaient, là, puis on le voyait. Une activité comme ça, ça doit être bon aussi pour stimuler toute la vie étudiante à l'école. Là. J'imagine que c'est un projet rassembleur aussi. Là. Ben, c'était ça. C'est ça, dire, on se donne... travailler un peu le sentiment d'appartenance, puis... les liens avec les jeunes, on a passé 24 heures avec eux autres, là, puis on a passé des bouts difficiles, puis on fait que ça fait une dynamique différente au retour le lundi matin. Bravo, Mme Bouchard, puis au plaisir de se reparler. Merci, au revoir. La directrice de l'École secondaire des Chutes, Mme Hélène Bouchard.